Des bâtons d'Anguirou numéro 14 sur Radio Galère 88.4. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans le 14e épisode de Débattons d'Anguirou sur Radio Galère. On retrouve toute l'équipe avec un dispositif très particulier ce soir, une émission pleine de surprises. Bonsoir mon cher Brett. Bonsoir Manuel. À soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous retrouvons au stade en direct de Anfield Road le shérif bien sûr, mais ce soir Magic laisse sa place au docteur Le Man qui va commenter avec le shérif parce que Magic ce soir est avec nous sur le plateau. En tant que spécialiste de théâtre, puisque ce soir il sera question de théâtre avec Frédéric Fusibé et Manuel Diaz. On revient à vous dans quelques minutes, après ce générique. Oui, bonsoir. On vous retrouve ce soir, Shérif et le Doc, en direct d'Anfield Road. Bonsoir. Pour suivre ce Liverpool-West Bromwich. On vous écoute. Comment ça se passe, cette fin de première mi-temps? Oh, c'est bien. C'est vraiment bien, Anfield. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait plaisir, Docteur, d'être avec vous. Ah, moi aussi, ça me fait vraiment très, très plaisir, hein, mon cher Shérif. Ouais, le Magic me manque, je dois bien vous l'avouer quand même. Mais bon, je crois que je ne perds pas au change. Je pense qu'on va faire une sacrée paire. Hein. Voilà. On a écouté quoi comme morceau, Shérif? Alors oui, vous nous entendez, j'espère. On vous entend très bien, un petit peu moins le Doc que vous, Shérif, ouais. Mais on vous entend quand même pas mal. Ça va venir, vous inquiétez pas. Magic, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Ah bah écoute, tu me manques beaucoup, hein, je me sens tout en folin, j'ai trinqué à ta soirée toute la soirée, à ta santé pardon, toute la soirée, mais c'est bon, j'ai été bien accompagné par le docteur, tout se passe bien. Ouais, il faut lui mettre le pied à l'étrier au cher Doc. Oui, donc là, on est en direct d'Anfield Road, donc pour ce match entre le 9e et le 8e du champion d'Angleterre, un peu le ventre mou. Donc on a un Liverpool qu'on espérait incisif, mais qu'on ne voit pas tellement s'imposer ce soir, parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur le terrain. Je vous avoue que ce qui nous intéresse surtout avec mon ami Shérif, c'est plutôt les à côté, hein. Je vous avoue qu'on est payé aussi pour ça. Donc, encore qu'un raid de Steven Gerrard. Pour Luis Suarez qui repique, qui temporise, entrée de la surface, un centre. Comme d'habitude, pas grand chose en fait à se mettre dans le gosier, à part. Oh là là là là là là là, on n'était pas loin du CSC. Bon, allez, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Shérif, on vient d'écouter un morceau en introduction. Vous pouvez nous en dire deux mots? Bah avec plaisir, d'autant plus que voilà, on a travaillé. Deux mots, hein. On a travaillé quand même avec le docteur sur voilà sur ça, Liverpool, West Bromwich, London, donc. Et Birmingham, non, vous mentez, c'est dégoûtant de me dire ça comme ça maintenant, mais c'est pas très grave. En tout cas, Liverpool, donc qui dit Liverpool dit les quatre garçons dans le vent, mais il est hors de question de parler des quatre garçons dans le vent ce soir, vous imaginez bien. En revanche, Echo and the Bunnymen, Ian McCulloch, un grand groupe des années, fin des années 70, début des années 80, il est là, Ian McCulloch, c'est un grand fan, vous le savez, de Liverpool. Cette chanson est très surprenante, on a décidé de la choisir parce que finalement, figurez-vous que Monsieur McCulloch est venu dans le sud de la France il y a quelques années, il est tombé amoureux de Nîmes. Et donc cette chanson s'intitule Crocodile, un hymne au crocodile du Nîmes olympique. Surprenant, mais tellement bien écrit et tellement bien chanté, n'est-ce pas ? Hop, attendez monsieur, hop là, qu'est-ce qui se passe ? Non, je disais c'était très sympa de sa part, il ne doit pas y avoir beaucoup de chansons en hommage au crocodile de Nîmes. Vous savez en plus que les Anglais sont assez chauvins, mais là en l'occurrence on les félicite, on les remercie et puis on félicite surtout les Crocodiles from Nîmes. Merci shérif et merci docteur, on vous retrouve un petit peu plus tard pour des nouvelles de ce match, mais tout d'abord un mot du sommaire de cette émission mon cher Brett. Nous avons donc sur ce plateau deux invités prestigieux, la présence de Frédéric et de Manuel de la compagnie du Théâtre de la Mer, qui vont nous parler avec Magic de leur spectacle. Mais nous aurons un petit peu plus tard par téléphone Adrien Bosque de la revue des Sports. Tout à fait, Manuel. Et puis on va relancer quelques-unes de nos meilleures rubriques. À pouvoir réouvrir nos rubriques depuis longtemps éteintes. Tout à fait. Notamment le petit précis du sport qui va porter sur un texte poétique. Sur la question des remplaçants. Oui. Nous aurons ensuite un reportage de terrain, il me semble. Tout à fait, dans notre rubrique Au cœur de l'action. Tout à fait, de Anne-Claire Andreau sur le petit Rocheteau, exactement. Je crois. Mais tout de suite, on va laisser la parole à Magic, notre spécialiste théâtre, pour nous présenter nos invités et le projet qu'il porte en ce moment. Oui, tout à fait. Alors ce soir, nous recevons ici à Des Bâtons d'Anguirou donc Frédéric Fusibé et Manuel Diaz. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Super. Manu, bonsoir. Bonsoir. Alors Frédéric, vous êtes à la tête de la compagnie du Théâtre de la Mer, compagnie créée en 1980. Et donc, il y a plus de 30 ans d'existence aujourd'hui, et dont vous êtes l'un des cofondateurs. Depuis ses débuts, vous travaillez aussi bien sur des textes contemporains que sur des textes classiques, mais aussi sur des témoignages que vous allez recueillir et à partir desquels vous servez pour écrire aussi vos spectacles. On peut commencer par citer certaines de vos créations pour illustrer tous ces registres. Vous avez mis en scène, par exemple, Bouli, Rodeboule de Fabrice Melchior en 2010. Absolument. Les oranges, d'Aziz Chouaki de 2003 à 2009. Mais des vertiges à partir d'extraits de Ripid, Sénèque et aussi de témoignages de vie en 2008. Juliette et Roméo, d'après Shakespeare, et là encore à partir de témoignages de vie, en 2006. Voilà pour quelques-uns des spectacles. Vous en avez créé bien plus que ça, évidemment. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes résolument axé sur un théâtre contemporain, tel que le montrent toutes vos recherches, et notamment sur les questions de forme, dans lesquelles, en particulier, l'oralité et le parler ont une place importante. Votre travail est aussi très réfléchi et très désireux, disons, en matière de sens, puisque vous cherchez à établir des liens entre les personnes et les cultures, en particulier autour des cultures méditerranéennes. La Méditerranée en tant que creuset de nombreuses civilisations qui se côtoient depuis longtemps et qui continuent de se côtoyer aujourd'hui, mais avec plus ou moins d'écoute et de respect. Et donc, c'est bien ce dialogue entre les cultures que vous cherchez à développer et à enrichir, je crois. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots de plus, si vous êtes d'accord avec cette petite présentation ou pas ? Oui, pas de souci. La présentation est tout à fait correcte. Je voulais juste, par rapport à cette présentation, rajouter un élément qui est fondamental dans la compagnie. C'est que cette compagnie, elle a été créée par Akel Akian, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an maintenant, qui était marocain du RIF. Euh, et euh, Brigitte Bentolila, qui nous a quittés, mais pour de toute autre raison, pour poursuivre sa carrière au Brésil, et Dalila Khatir, qui, elle, poursuit une carrière de chanteuse aux quatre coins de l'Europe. Ce qui était intéressant quand on a créé la compagnie, et c'est qu'on avait effectivement, avec ces quatre personnes, quelque chose qui était emblématique justement du dialogue des cultures, puisque Brigitte était juive rapatriée d'Algérie, Dalila née à la cité Besson à Aix-en-Provence. Moi-même, j'ai fait des études tout à fait classiques. Je suis d'une famille tout à fait classique, française. Voilà. Et puis Akel, donc, qui était un immigré de première génération, mais immigré de choix. Très bien, qui nous manque aujourd'hui, le très regretté Akel Akian. Alors, ce soir, vous venez nous parler en particulier d'un projet, d'une pièce que vous intitulez Footing, une création que vous avez entamée en 2012, qui se poursuit aujourd'hui, pour, je crois, finir en novembre prochain. En intégrant dans ce travail-là deux autres travaux de deux autres compagnies, l'une marocaine et l'autre venant des Pays-Bas. C'est donc un travail commun à trois compagnies dont vous êtes en quelque sorte l'architecte, dans la mesure où, en tant qu'artiste marseillais, ce spectacle est programmé dans, aidé en tout cas par Marseille-Provence 2013. On y reviendra. On y reviendra sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots avant de peut-être commencer à écouter un petit extrait ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet qui remonte à plus que ça, hein, à vrai dire, puisqu'on l'a initié avant même que Marseille soit élue capitale de la culture, à l'époque de la candidature de Marseille, suite à une rencontre avec un auteur marocain, qui est également journaliste, qui s'appelle Driss Xikès, et un comédien qui a travaillé, enfin, qui est né dans la Cité des Flamands, à Marseille, et qui a migré à Amsterdam, qui est devenu dramaturge. Et donc, cette rencontre-là, on s'est rencontrés un été à Marseille, à l'aube de la capitale européenne, en se disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre, qu'est-ce qui ferait le commun entre nous ? Et c'est comme ça que l'idée du football, et surtout de la relation des habitants de nos trois villes d'habitation, en fait, à leurs équipes, est venu comme quelque chose qui était un ferment commun et qui nous interrogeait tous autant qu'on était en tant qu'artistes, parce qu'effectivement, on a beau faire des spectacles passionnants parfois, on n'a jamais autant de succès qu'un match de l'OM ou un match de l'Ajax. Tout à fait. C'est injuste, mais il est vrai. Même au Maroc, hein. Ah ben même au Maroc, bien sûr. Oui. C'est les trois villes où, en tout cas, le football est vécu comme très passionnel, quoi. Complètement, oui. Complètement, ah. Avec, entre autres, à Casablanca, deux équipes de foot, hein, qui s'affrontent, évidemment, et avec des supporters qui s'affrontent parce que chacune des équipes est emblématique, d'une certaine manière, d'une classe sociale. Donc, là-dessous, à Casa, se joue aussi quelque chose qui dépasse très, très largement le terrain de sport. Oui, alors, pour préciser, on a deux équipes majeures, donc qui sont le Raja et le Wydad. Voilà. Et le Raja de Casablanca, qui est plutôt l'équipe des notables et des riches, et en tout cas un petit peu du pouvoir, et le Wydad qui est beaucoup plus populaire et voilà, qui regroupe beaucoup plus de sympathie auprès des classes moyennes et des classes pauvres. Alors, on va essayer d'entrer un peu plus dans votre travail sur ce projet Footing. On va simplement essayer de passer quelques petits extraits pour voir comment ce travail est réalisé, de quoi ça traite aussi. Et on en reparle tout de suite après. Le livre Le match de football, Christian Bromberger, Alain Ayot et Jean-Marc Mariottini nous disent que quand... Vous connaissez Christian Bromberger ? C'est le monsieur de notre spectacle. C'est l'auteur. Ils nous disent que quand on tente de traquer les fonctions latentes et instrumentales du football, on découvre des processus à plusieurs sens. Mouvants, contradictoires, rétif à toute interprétation univoque. Et aux effets sur le réel souvent plus faibles qu'on imagine. Ni plus ni moins que quiconque, les amateurs de football ne sont des... idiots culturels. Des... fanatiques aliénés. Incapables de distance critique sur le monde qui les entoure et que leur ferveur emprisonnerait dans l'illusion. Plus loin, il poursuit. Jeu profond. Le football fascine parce qu'il met à nu, à la manière d'un drame caricatural, l'horizon symbolique de nos sociétés. Et la trame d'un match, d'une compétition, nous montre, nous rappelle le destin des hommes dans notre monde contemporain. Tel un mythe, le match de football enregistre les contradictions fondamentales de l'expérience et ouvre une multiplicité de sens pour les interpréter et les rendre supportables. Planant sur le match, la figure du hasard. Rarement pensé pour ce qu'il est, et d'où émerge la figure du destin. Nous rappelle avec brutalité, comme ces jeux médiatiques où la roue peut avoir raison du savoir, que le mérite ne suffit pas toujours pour devancer les autres. Des impondérables, le vent, une motte de terre, l'arbitre, ou un coéquipier mal placé, peuvent modifier la trajectoire d'une balle, comme ailleurs celle d'une vie. Les sociologues butent sur ces caprices du sort quand ils constatent la diversité des destinées, statistiquement significative, d'individus que leur donne de départ appelait un avenir semblable. Et le match nous montre que ces avatars du destin ou d'une justice imparfaite se jouent souvent à une nuance. Le ballon avait-il franchi la ligne? Ou non. Le joueur était-il hors jeu ou non? Voilà pour cet extrait de ce spectacle Footing. Alors, on entend dans ce petit extrait, ma chère Frédérique, donc votre comédienne dont j'ai oublié le nom, Carole Errante. Carole Errante, voilà, qui nous dit, qui demande au spectateur si l'on connaît Christian Bomberger. Voilà, et elle semble dire que c'est l'auteur de cette pièce. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la participation précisément de Christian Bromberger et qui il est et pourquoi dans ce spectacle, etc. Alors, Christian Bromberger n'est pas proprement parlé l'auteur de la pièce, puisque cette pièce, elle a été écrite par l'équipe dans son ensemble à partir d'un certain nombre de matériaux, des extraits d'interviews, un texte de Mahmoud Darwish, un texte philosophique d'un philosophe américain qui s'appelle J.P. Kars, du texte de Christian Bromberger, qui lui-même est sociologue et donc a écrit un texte sur le supporterisme à Marseille, Turin et... Aide-moi, Manu. Il y a plusieurs villes. Il y a Bordeaux aussi. Voilà. Enfin, il y a... Bon, ouais, c'est pas un texte, c'est vraiment un livre, en fait. C'est un livre sociologique sur le foot. Voilà. Des années 80-90, je crois. C'est important de le replacer dans son contexte, parce que l'évolution du football, on sent que ce texte est daté, en tout cas. Et alors, vous avez résolument choisi de parler de certains supporters, parce que c'est un peu le sujet quand même de votre spectacle, c'est autour de la figure du supporter. Et parmi les nombreux témoignages que Christian Bromberger a pu recueillir, vous avez mis... en particulier, pas mal de supporters italiens. Oui, on a choisi effectivement de faire venir l'Italie parce que c'était aussi une manière de faire venir une faconde. Et que c'était une matière à jeu, et que là-dedans, il y avait pour nous quelque chose qui présentait une théâtralité, qui renvoyait en même temps à une théâtralité qu'on a dans d'autres points du globe, hein, que ce soit à Marseille ou ailleurs, mais c'est aussi une manière d'élargir le propos, et de se dire que bon, voilà, ça n'est, le propos qu'on peut avoir sur Marseille n'est pas strictement marseillais, mais qu'on retrouve des phénomènes identiques. Ailleurs, dans d'autres points du monde, c'est comme une espèce de prémonition de ce que devrait être la création qu'on fera à l'automne 2013. Mmh. Très bien. Et alors, il est vrai que très certainement, Christian Bromberger, dans les années 90, le football italien était quand même assez dominant. Phare, oui. Et qu'il a dû s'inspirer très logiquement des Italiens. On va écouter justement un nouvel extrait qui montre un petit peu comment ces paroles, ces témoignages de supporters sont mis sur le plateau dans ce travail-là. Et on revient tout de suite après. Je comprends que la Juve puisse perdre, c'est normal. Mais ce qui m'importe, c'est de ne pas être déçu. Quand je la vois se battre elle-même, par légèreté, par laisser aller, pour ne pas avoir respecté ses principes, ça me choque. Je me sens alors comme rompu. Le match de football nous place brutalement devant quelques vérités essentielles. Le bonheur et le malheur sont insécables et complémentaires. Le match nul n'est qu'un pis-aller, jamais la source d'une véritable satisfaction. Le football nous montre sous une forme dramatique et caricaturale que le malheur des uns est la condition du bonheur des autres. Morse-toi, Witamé. Les Gahukugama de Nouvelle-Guinée ont si bien compris cette loi d'airain du football occidental qu'ils se sont empressés de la contourner pour rendre le jeu plus conforme à leur vision du monde. Ils jouent ainsi plusieurs fois de suite autant de parties qu'il est nécessaire pour que s'équilibrent celles gagnées et perdues par chaque camp. Lévi-Strauss, 1962. Voilà pour ce deuxième extrait. Alors là, on entend deux personnages différents. Vous en avez à peu près, je crois, une dizaine, quelque chose comme ça, ouais, peut-être un peu plus. Je pense une bonne dizaine, oui. Une bonne dizaine. Alors, ça s'agite dans tous les sens. Au début, vous les déployez un petit peu, tous ces supporters. Et alors, ça coupe, ça passe de l'un à l'autre. Il y a des figures très différentes. Je voulais savoir un petit peu, parmi tous ces supporters, comment vous les avez choisis et selon quoi. Est-ce qu'il est question aussi de théâtralité dans ce qui est dit dans ces témoignages-là, et comment vous avez choisi ces personnages-là? Parce qu'il faut dire, donc ce sont tous des personnages réels au départ. Hein. Ah oui, c'est des... C'est vrais, des gens qui existent, oui. C'est des vraies interviews qui ont réellement eu lieu. Donc effectivement, nous, là-dedans, on a fait un choix. Alors c'est un spectacle un peu particulier, puisque à l'époque, au moment du premier choix, moi, j'étais pas dans l'équipe. Enfin, j'y étais, mais uniquement pour la scénographie, et donc c'est à elle qui avait travaillé avec les comédiens. Donc je vais plutôt laisser la parole à Manu sur cette question. Ben, c'est vrai que du coup, comme c'était un vaste projet avec beaucoup de place pour la recherche, on s'est essayé à plein d'exercices, et on a essayé plein de formules, on a essayé plein de choix de personnages. Et c'est vrai qu'on a gardé les personnages où il y avait le plus de théâtralité, plus de choses un peu qui étaient décalées dans leur manière de vivre, dans leur manière de voir le football, dans leur manière de réagir par rapport au match. Et on a cherché un peu des personnages un peu comme ça. Et on a gardé ceux qui marchaient le plus avec nos propres personnalités aussi de comédiens. D'accord, très bien. Mon cher Manu, est-ce que je crois que vous aviez une question en particulier? Moi, à quelque poser chose m'interrogeait dans ce projet-là, c'était la présence des textes de Mahmoud Darwish, qui a priori pour moi n'a pas beaucoup de choses à voir avec le football et son environnement. Et du coup, cette juxtaposition de matière m'interrogeait beaucoup, d'autant plus que il y a quelques semaines, nous avons fait une émission consacrée à la poésie. Nous avons fabriqué une équipe de footballeurs poètes. Et du coup, si Mahmoud Darwish, cet immense poète palestinien, avait dû avoir sa place dans cette équipe, on est peut-être passé à côté. Ah ben sûr, certainement. Pour ce que j'en sais, Mahmoud Darwish aimait beaucoup le football et le sport en général. Il a pratiqué en particulier le football et le basket. Il avait comme autre point commun avec le football qu'il était capable de réunir, lorsqu'il lisait ses poèmes en public, 5000 personnes au Caire. Donc c'est quand même un phénomène de masse absolument extraordinaire à noter, et qui est quelque part, toute proportion gardée, mais à la même échelle qu'un match de foot. Évidemment, pour la poésie, c'est extraordinaire, 5000 personnes pour venir écouter Mahmoud Darwish. Moi, j'ai eu la chance chance d'écouter la dernière lecture publique de Mahmoud Darwish à Arles l'été 2008. Alors c'était le théâtre antique n'était pas complètement plein, mais il y avait néanmoins des centaines de personnes qui étaient venues entendre de la poésie. Ce qui est rare, il n'y a aujourd'hui que Mahmoud Darwish. On a 5000 personnes. Oui, pour voilà, de la poésie. Oui, savoir déplacer des gens pour de la poésie. C'est UPM, c'est quelque chose. Voilà. Après, la raison plus fondamentale, moins anecdotique, c'est d'une part l'immense qualité de l'écriture de Mahmoud Darwish, l'amour profond qu'elle avait pour cette écriture et pour cette personne. Et le fait que la question qu'Akel a voulu amener dans cette création sur effectivement au-delà de ce que finalement tout le monde connaît tant bien que mal du football, hein, les images à la télévision, les sensations de match, les phénomènes de foule, ce qui se joue intuitivement au niveau des questions d'identité. Ce qui intéressait Akel, c'était de questionner la notion de jeu. Le jeu J-E-U, et donc amener d'une certaine manière l'incongruité d'un texte poétique dans ce spectacle, c'était aussi une manière de jouer avec le spectateur, de dribbler avec les mots peut-être, de questionner sur les différents niveaux de langage, d'engagement, de l'être et sur les questions d'identité. Voilà, je pense qu'au cœur vraiment de la problématique d'Akel, il y avait toutes ces questions-là et donc Mahmoud Darwish avait complètement sa place dans le spectacle. Oui, puis il y a quelque chose de l'ordre d'une l'expression d'une ferveur aussi qui peut se retrouver dans... Dans la Absolument. Poésie, comme dans le foot. Oui. Complètement, oui. Une autre petite question, alors c'est peut-être pour Manu cette fois-ci, puisque donc c'est un spectacle avec trois comédiens, et donc Carole, Carlos et moi. Et vous, Manu. Je voulais savoir quel était votre rapport à vous, comédien, par rapport au foot. Alors, moi, je vais parler de moi. Moi, je suis très foot. Ah bon ? Ouais. Et je suis le seul de l'équipe qui était très foot dans les comédiens. C'est-à-dire... Oui, parce qu'en général, ce qu'il faut dire, c'est que chez les théâtreux, entre guillemets, on trouve, ouais, en tout c'est cas difficile. Publiquement, on trouve ouais, peu ouais, ouais. de supporters de foot. J'en ai beaucoup souffert, ouais. Ouais. Ouais, c'est assez dur. C'est ouais, y a ce truc là dans le théâtre que voilà, il y a des choses qu'on peut pas faire ou qu'on peut pas aimer sous prétexte que c'est pas bien, que c'est pas intellectuel, que c'est pas intelligent. Et alors qu'en fait, bon, bah après c'est personnel. C'est non, c'est vrai que j'étais foot. Moi, j'étais abonné. Et donc du coup, moi, le foot, ça me parle. Je le comprends, j'ai vu son évolution, j'ai traversé plein de choses avec. Après, Carole, je crois qu'elle n'est pas du tout branchée foot, et Carlos non plus. Donc tu lui as redonné quelques petits conseils parfois, j'imagine. Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que comme on n'a pas traité des notions vraiment de jeu, de football, de sport, ouais, on a plus traité des humains, c'était quelque chose d'assez accessible pour tout le monde. Donc pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'explications. Après, c'est vrai que des fois, sur des détails de jeu ou de ferveur ou d'explications pour faire comprendre tel ou tel comportement, après, là, oui, on... Akel était très branché foot aussi. Hein. Ouais. Donc Akel lui a donné énormément de conseils. Et moi, je me demandais du coup, comment ont été choisis les comédiens ? Est-ce que c'était justement... Est-ce que c'était une question qui pouvait être centrale dans le choix, le rapport au sport ou pas du tout ou... Ou est-ce que c'est un travail qui s'est fait sur le long terme ? Enfin, Alors, les comédiens, ils ont été choisis par Akel, je pense, au départ, parce qu'ils connaissaient leur qualité de comédien, avant toute chose. Le préalable n'a pas du tout été de savoir s'ils étaient fouteux ou pas. Par contre, Carole était très nettement dans la distribution parce qu'elle a beaucoup travaillé avec nous sur les principes des interviews. Elle a elle-même d'ailleurs réalisé une partie des interviews qui sont dans le spectacle. Donc elle connaissait en même temps les personnes qu'elle avait interviewées. Donc voilà, elle avait d'emblée sa place. Par ailleurs, elle a un jeu très extrêmement physique. Et c'est vrai que parler du foot, même si c'est des supporters plutôt que du sport lui-même, c'était aussi important d'avoir cette dimension-là. Et c'est vrai que Carole a contribué largement à amener une dimension chorégraphique, je dirais, hein, d'une certaine manière, au jeu sur le plateau. Voilà, donc Carlos, bon, c'est pareil, compagnonnage de longue haleine avec Akel, puisque Akel a été son, je pense, un de ses tout premiers profs de théâtre quand il était encore au collège. Voilà. Et c'était plus une fidélité par rapport à une esthétique, par rapport à voilà, une compréhension des codes de jeu d'Akel, en fait. Puis on a eu une audition avec un ballon, balle au pied. Un parcours de slalom, d'endurance. Non, des jonglages. Des jonglages. C'était dur hein, pour intégrer ce projet. En tout cas, quel courage de venir le révéler comme ça, en la radio. D'avoir jonglé sur la tête pendant des heures. Alors, chers invités, on va juste vous couper un petit peu dans votre élan pour vous parler d'une actualité éditoriale qui devrait, je pense, vous intéresser. C'est la publication du premier numéro de la revue des sports, une revue trimestrielle qui tente un petit peu de renouveler le discours sur le sport en général et le football en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur des sports, mon cher Brett ? On peut commencer par dire que des sports est donc une publication qui est fondée par Adrien Bosque et Victor Robert et qui est éditée par Gérard Bérébi des éditions Alia. Alors on peut dire aussi que c'est la petite sœur, on va dire, de la revue Feuilleton, une revue qu'on connaît déjà, qui est une revue de reportage littéraire assez chouette. On peut dire également que si des sports nous intéresse ici à Débattons d'Anguirou, c'est parce que la ligne éditoriale semble empreinte des mêmes idéaux que notre émission, à savoir parler de football différemment, parler de sport à travers des regards décalés, à travers la littérature, à travers l'histoire. Alors au sommaire de cette revue, on retrouve par exemple une courte nouvelle de Luis Sepúlveda, un texte de Don DeLillo sur le football américain, on retrouve Maëlys de Kerangal et les braqueuses de l'équipe de France de basket, ou encore des textes à propos d'Arthur Cravant et Samuel Beckett. Et donc, très chers auditeurs, ce soir, nous avons par téléphone son rédacteur en chef, Adrien Bosque. Bonsoir Adrien, vous nous entendez ? Oui, très bien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Alors Adrien, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Feuilleton. Vous êtes également le co-rédacteur en chef de cette revue des sports. Et on voulait un petit peu commencer par vous demander quel était l'historique de ce projet des sports. Et comment vous avez un peu effectué le choix de ces articles, la ligne directrice, la ligne éditoriale de cette revue ? Alors, juste une précision, je m'occupe de Feuilleton, mais c'est Gérard Bérébi qui est le rédacteur en chef, donc le directeur des éditions Alia. D'accord. Pour en revenir à la genèse, en tout cas, c'est une revue qui, finalement, des sports, qui était la continuité logique de Feuilleton, sans qu'on s'en rende bien compte. On a publié un deuxième numéro dans lequel il y avait deux articles traduits, dont un de Philippe Gourevitch sur le cyclisme au Rwanda, qui était un long papier qui racontait la réconciliation sous couvert aussi de l'équipe cycliste entre Hutu et Tutsi, à travers deux personnes qui sont Adrien et Gazor, deux champions de cyclisme. Et cet article, plus un autre qui était un portrait de Mike Tyson paru dans le New York Times Magazine, montrait à voir aussi comment on pouvait parler du sport différemment, sans le regarder de haut non plus, mais avec un vrai regard qui était une manière perspicace de raconter le monde, qu'à chaque fois, dans chaque sujet sportif, reportage, il était intégré d'autres questions qui n'étaient pas forcément justement celles du fait sportif, mais le social, l'économique, le culturel. Donc on avait, à travers ce numéro 2 de Feuilleton et en travaillant ces deux articles, en germe l'idée que c'était finalement dommage de ne pas le retrouver regroupé dans une revue qui, généraliste, pourrait raconter tous ces sports en s'inscrivant dans une lignée qui va de Blondin à Pasolini, en revenant aussi de nos jours à ceux qui ont la volonté de raconter autre chose à travers le sport. Oui, et oui, ce qui est assez intéressant dans votre revue, c'est que, enfin, il y a cette forme d'éclectisme qui semble un petit peu tenir la revue, et puis il n'y a pas de réel souci d'actualité. Enfin, vous pouvez publier des choses qui datent d'il y a quelques années, des choses plus récentes. Enfin, il y a une espèce de manière d'envisager le sport d'une manière assez globale. Oui, complètement. C'est vraiment guidé à l'envie. Donc, du coup, on a 3 numéros par an. Et on l'a formé un peu comme une sorte d'almanach du sport, ne serait-ce que par son format qui est cartonné et qui, à ce que les gens considèrent comme le plus futile et à tort le sport, on lui a donné une matière finalement de fabrication qui est la plus noble, celle du cartonné qu'on voit rarement. Et pour revenir à ce que vous disiez finalement sur un peu l'éclectisme et l'absence de liaison à l'actualité, c'est également ce qui nous guide pour Feuilleton, mais là encore plus parce que on n'est pas dans ce rapport du sportif actuel et qu'on dédaigne pas du tout. C'est complémentaire de d'autres démarches qui sont celles de rendre compte du résultat sportif de la veille ou de la semaine d'avant. Mais là, c'est plutôt tout ce qui s'est passé dans les coulisses de ces événements, revenir sur des histoires qui transcendent le simple résultat, parce que il y a toujours une autre histoire à raconter dans les coulisses des vestiaires, du sport, voilà, en général. Adrien, si on se recentre un peu sur le football, qui est notre sujet principal à Débattons dans Guirou, vous publiez dans Des Sports l'équipe type Des Sports. Est-ce que, de mémoire, vous pouvez nous en redonner la composition ? Alors, de mémoire, non, mais je vais un peu tricher parce que j'ai Des Sports un peu à côté de moi. mais en tout cas, moi, je vais parler de ceux qu'on a décidé un petit peu avec Louis Dumoulin. Donc, c'est le journaliste qui s'est occupé de composer pour nous notre équipe de rêve, qui donc... en soi, cette équipe de rêve, parfois, fait complètement fi de la chronologie et également de même des compétences sportives, on va dire, puisqu'il y a des joueurs un peu hors normes et en même temps des seconds couteaux. Ce qu'on a voulu raconter à travers ça, c'est plus des histoires pour chacun et des sortes de singularités. Moi, il y en a deux qui me parle vraiment dedans et pour lesquels j'ai suivi de près, c'est Luther Blissett et également Luigi Meroni. Luther Blissett, il est passionnant parce que finalement, c'est un héros malgré lui de la cause situationniste, puisque c'est un joueur de seconde zone en Italie. Il est assez connu parce qu'il est anglais et qu'il a joué en équipe nationale, mais... il n'a joué que quelques matchs. Il est surtout plutôt détesté des supporters du club italien dans lequel il joue parce que il rate des buts immanquables. Mais à un moment, l'international situationniste italien décide d'en faire son porte-drapeau en signant tous les textes anonymes du nom de Luther Blissett. Et donc, il aura une seconde vie un peu étrange, comme ça, où on retrouvera Luther Blissett comme un étendard. Finalement, de l'anonymat de l'esthétique situationniste. Donc c'était plus pour le prétexte qu'autre chose. Après, il y a celui de Gigi Meroni, donc que je ne connaissais pas, c'est Louis Dumoulin qui a commencé à nous en parler, qui est donc ce joueur du Torino, qui à la fois était lecteur de Kerouac, qui écoutait les Beatles dans sa mansarde et qui choquait la bonne population de... La bonne bourgeoisie de Turin en se baladant avec un poulet en laisse. Et ce Gigi Meroni, en plus d'être un buteur hors norme, finalement a une fin tragique mais assez étonnante. Il est tué accidentellement, écrasé par une voiture. Et le conducteur de cette voiture n'est autre finalement que le futur président du Torino, qui tue son idole à ce moment-là. L'article a un très joli titre, c'est Portrait de l'artiste en facteur, puisque finalement, on a parlé à partir de ce jour-là du facteur Meroni, puisque l'équipe du Torino n'a jamais perdu le jour de la mort de Meroni après cet accident donc causé par le futur président du Torino. C'est toujours valable aujourd'hui. Oui. Incroyable. Brett, une autre question que vous aviez à poser à Adrien. Non, voulez-vous parler d'un article en particulier qui pour nous était plutôt intéressant et qui correspondait aux questions qu'on se pose ici dans Débattons d'Anguirou. C'était l'article de Ricciard Kapuscinski sur le Honduras et le Salvador et le foot comme déclencheur d'une guerre, véritablement, je crois. Ça s'appelle « La guerre du foot », cet article. Ouais, c'est ça. C'est un article qui n'est pas du tout inédit, qui est un texte qui est plutôt connu des lecteurs du grand reportage en général, puisque on a voulu, à travers aussi la revue, finalement pas laisser de côté ceux qui étaient moins habitués à cette littérature-là, sportive, mais de qualité. Du coup, faire un peu œuvre de pédagogie en mettant ce qu'on appelait, nous, des textes fondateurs. Et pour le premier numéro, donc c'est ce texte de Kapuscinski qui s'appelle « La guerre du foot » et qui raconte le début de guerre entre le Honduras et le Salvador en 69, ce qu'on a appelé la guerre de 100 heures, et qui se déclenche suite à des matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui tournent mal. En réalité, comme toujours avec Kapuscinski, on s'éloigne un tout petit peu de la réalité, puisque a posteriori, les spécialistes du conflit diront que le foot a été pour peu dans la raison du conflit, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui apparaît comme l'élément visible. C'est suite au meurtre d'une des supportrices et à plusieurs échauffourées, dont un match où on essaye d'empêcher les joueurs, par exemple, de dormir la veille et où quasiment ils sont en situation de mourir sur le terrain avec les supporters qui sont prêts à envahir le terrain à n'importe quel moment. Du coup, la guerre se déclenche, mais ce qui est intéressant à travers cet article, c'est que finalement, il y a assez peu question de foot. L'article fait 25 pages, et les 5 premières pages parlent de ce match, et ensuite on suit les bombardements, puisque Kapuscinski est sur place, et raconte les bombardements et les télégrammes qu'il envoie à sa rédaction en Pologne. On est plus dans le reportage, finalement, non pas le sport comme prétexte, mais plus comme annexe à raconter finalement un conflit et comme quoi aussi, voilà, tout est lié. Mais c'est surtout ce qu'on voulait montrer à travers Kapuscinski, c'est que beaucoup des grands reporters de guerre, les plus grands reporters, les fleurons du reportage, on pense à Kapuscinski, mais il y a des gens comme par exemple Jean Asfeld en France, qui sont connus pour son travail par exemple sur le Rwanda, la trilogie rwandaise, ont commencé au sport, parce que c'est la noblesse du journalisme aussi, le journalisme écrit sportif. Et du coup, rien n'est vraiment noir ou blanc comme on le raconte, c'est-à-dire voilà, d'un côté il y a les fleurons du journalisme de guerre, et puis de l'autre, le côté un peu méprisable sportif, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est l'autre article, par exemple, dans ce numéro, qui est ce petit article qu'on a remis et qui existait déjà, qui est sur le rôle des échecs à Sarajevo, avant, pendant et après le siège. Et c'est raconté par donc Jean Asfeld, qui lui, à la fois était reporter de guerre, mais aussi reporter sportif. D'accord. Merci Adrien. Une dernière question avant de vous quitter, c'est on se demandait s'il fallait être fan de sport pour fabriquer des sports ou pour lire des sports. Alors pour le fabriquer, sans doute, parce que ça marche beaucoup à l'envie, je pense vraiment. Et nous, on a mis notre éditorial s'appelle Les enfants de Blondin avec Victor, et parce qu'il y a, on pense vraiment que c'est lié à l'esprit d'enfance quand même, le sport. Il y a quand même une énorme part là-dessus, mais même dans ceux qui sans doute le rejettent, il y a presque ce qu'on a subi le dimanche où il y a quelque chose qui est vraiment très lié à l'enfance, et Blondin appelait ça, à propos de ses papiers dans l'équipe, des chroniques buissonnières. Donc il y avait déjà cette idée de, voilà, on fait l'école buissonnière et on retourne à l'esprit d'enfance. Du coup, il faut être passionné, sans doute, parce que d'un côté, Victor, lui, c'est une enfance en Bretagne baignée par les critériums de vélo qu'organisait son père. Et moi, de mon côté, qui vient du sud, c'est la coupe aux grandes oreilles soulevée par Bolly. Donc c'est ça rappelle ça, c'est vraiment cette envie-là. Après, pour le lire, pas du tout, et c'est ce que nous prouve des sports depuis que c'est sorti, c'est que les gens qui s'en emparent, bizarrement, sont à la fois évidemment les amoureux du sport, mais les gens qui n'ont... Ça revient assez souvent comme commentaire, qui est « je déteste le sport », avec un côté un peu finalement définitif. Et là, j'y trouve quelque chose que je ne m'attendais pas à lire. C'est ce qui se passe avec Sepúlveda, c'est ce qui se passe avec Don DeLillo. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un peu sauter les cloisons qui n'ont pas lieu d'être entre ce qui est considéré comme futile et ce qui est considéré comme noble. Eh bien, il y a quelques libraires autour de cette table, Adrien, qui vont confirmer ce que vous venez de dire. On va vous remercier. Juste beaucoup. Le temps de noter, en parlant de librairie, mon cher Brett, que Adrien, vous serez présent à la librairie L'Histoire de l'œil le 8 mars prochain à 19h pour une présentation de la revue des sports. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Et longue vie à des sports, comme on dit. Oui. Brett, il est temps, je crois, de retourner au stade pour le doc, oui, pour voir ce qui se passe. Si on les laisse trop longtemps, ça risque de mal finir là-bas. Doc, qu'est-ce qui se passe à Anfield Road? Bonsoir, oui, on me parlait de guerre du football. Alors là, effectivement, on est en plein dedans. Hein. On a cette équipe de Liverpool qui pousse, qui pousse, qui pousse. West Bromwich Albion, pour l'instant, sur le reculoir. Mais le trio d'attaque, Gerrard, Suarez, Downing, n'arrête pas de vendanger dans le but. Donc bon, il y a aussi un élément important, c'est ce fameux gardien de but de West Bromwich Albion, nommé Foster. Et je pense que le shérif va vous en parler un peu plus longuement. Alors Foster... Ça nous fait penser à Caroline Foster, forcément, évidemment, inconnu de la maison. Mais surtout, ça me fait penser au fait que West Bromwich Albion n'est absolument pas un club de Londres, comme on a pu le croire longtemps. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Jusqu'à tout de suite, même. D'aucuns le croyaient encore. Et donc, pardon. Et donc, finalement, non, nous sommes en banlieue de Birmingham. Et figurez-vous que, on a déjà parlé, Marcus Smith, chanteur du groupe The Fall de Manchester, qui déteste Liverpool, évidemment, vous imaginez bien, hein, bien sûr. En tant que fan de Manchester United, a écrit avec son groupe donc, une chanson sur le Birmingham, sur le West Bromwich Albion. Je vous fais écouter ça? Allez, shérif, ça vous va? Ça nous fera une petite pause. Ça vous fait plaisir? Ouais. Allez, Birmingham School of Business School, ça s'appelle. C'est parti. We'll be right back. Merci Shérif, une fois de plus, vous avez été parfait. Et avant de donner la parole à nos invités de ce soir, pour peut-être les faire un peu réagir à ce qu'on vient d'entendre sur la revue des sports, je voulais questionner le doc, moi, s'il m'entend, parce que le doc, vous le savez, c'est notre spécialiste en géopolitique. Et il a été question, dans la présentation d'Adrien Bosse, d'un article sur cette guerre entre le Honduras et le Salvador. Est-ce que vous saviez, vous, éminent spécialiste, que c'était un match de foot qui avait déclenché ce conflit ? Oui, bien sûr. On parle souvent de cette guerre du football, plus communément de guerre des senteurs. En réalité, le football a servi une nouvelle fois de prétexte, finalement, à une situation géopolitique extrêmement tendue entre les deux États, notamment du fait d'une très forte population salvadorienne au Honduras. Et donc le football a une nouvelle fois été le déclencheur finalement de cette guerre. Mais derrière, effectivement, c'est des tensions sociales beaucoup plus importantes qui sont en jeu. Des questions de terres agricoles, non, il me semble. Questions de terres agricoles, notamment effectivement dans l'ouest du Honduras. Et on connaît très bien la capacité des Salvadoriens, qui sont 30 fois plus nombreux à l'extérieur du Salvador, à essayer de finalement de contrôler le Honduras et d'autres États via le système des maras, dont on reparlera éventuellement une autre fois. Merci, cher docteur. Merci. Alors, Frédéric, Manuel, vous avez entendu la présentation d'Adrien. Qu'est-ce que ça vous évoque un peu, cette nouvelle publication ? Est-ce que c'est très éloigné de ce que vous voulez faire passer comme message à propos du football, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, c'est manifestement un point de vue qui est effectivement différent. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu les articles. Hein. Je découvre la revue, là, grâce à vous, merci. C'est vrai que ça donne envie de l'acheter, parce que c'est intéressant de sortir du commentaire de l'événement sportif et de passer à quelque chose qui est... soit passe par le sensible, soit par de l'analyse. Et à cet endroit-là, effectivement, je pense que quelque part, ça rejoint certainement notre projet. Voilà. Effectivement, c'est séduisant. Et en plus, l'objet lui-même, que j'ai sous les yeux, est beau. Voilà. Donc, on se dit que, voilà, effectivement, une revue comme ça peut avoir un avenir, je pense. Quand on voit les auteurs qui qui ont participé, c'est quand même intéressant. Et comme quoi, s'il y a un snobisme qui veut que les intellectuels et les artistes n'aiment pas le sport, il faut croire qu'il y en a finalement suffisamment pour arriver à sortir des revues avec des choses qui ont l'air passionnantes. Manuel. Oui, moi je vais rebondir sur ce qu'il disait par rapport à l'enfance. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que le sport, notamment la relation qu'on a avec le football ou un autre sport, je pense que ça vient vraiment aussi de l'enfance. Donc je trouve que c'est dans l'esprit, du coup, cette démarche. Moi, je la retrouve un petit peu dans ce qu'on peut essayer de développer dans footing, en tout cas dans cette étape, dans la première étape qu'on a fait. Mais enfin, peut-être pas, voilà, je voulais dire, peut-être pas dans la première étape, mais dans l'esprit de cette recherche avec ce spectacle, avec le football comme miroir du monde. Justement, je trouve que c'est un petit peu dans l'esprit d'essayer de croiser des univers différents à travers le sport et d'essayer d'ouvrir justement un petit peu, que ça soit pas cloisonné à une certaine catégorie de personnes, parce que justement, dans le sport ou dans le foot, il y a des notions bien plus profondes qui sont véhiculés. Y a beaucoup de choses similaires avec, je pense, le théâtre et le monde du spectacle, en fait. Notamment, il y a plein de... Il y a plein d'endroits où ça se rejoint, la manière de célébrer les buts, les comédiens qui applaudissent à la fin d'un spectacle, cette espèce de... d'énervement qu'il peut y avoir un spectacle nul, comme avoir un match nul. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se rejoignent, qui rebondissent. Et je vois qu'aussi, dans des sports, il essaie de croiser... je vois qu'il y a des auteurs comme Luis Sepúlveda, un grand auteur de théâtre, Samuel Beckett. Donc c'est quand même assez judicieux, assez drôle de retrouver ça dans un magazine qui parle de sport. Voilà. Vous êtes en train de vous venger, en fait, de tout ce que vous avez subi en annonçant que vous étiez fan de foot. C'est ma revanche. C'est bien. Magic, vous aviez un petit commentaire aussi, éventuellement ? Oui, alors moi, j'avais à la fois un commentaire et à la fois une question. Peut-être je vais commencer par la question. J'ai pas tout à fait compris. Le pays dont on parle, c'est quoi ? C'est le Honduras ou c'est le Salvador ou c'est les deux ? C'est les deux. C'est un conflit entre les deux. C'est des pays, ça ? Oui, tout à fait, Magic. Non, mais je connais pas très bien. Vous n'êtes pas notre spécialiste en géopolitique. C'est vrai qu'en plus, on vous a jamais amené commenter des matchs. Et non, je connais bien le football européen, je vous avoue. Là-dessus, je peux me targuer d'être. On vous a fait voyager avec Radio Galère. Dès l'année prochaine, vous serez au Brésil, Magic. Ah, je l'espère. Ça bien. Permettra de voir un petit peu ce qui se passe autour du Brésil aussi, parce qu'il y a d'autres pays autour du Brésil. D'accord, ok. Non, ça, je l'ignorais pas, mais je sais, le Brésil, oui. Et puis la deuxième remarque, c'est à propos de la revue, c'est son prix tout de même qu'il faut signaler, qui est de 20 euros pour une revue trimestrielle. Donc alors normalement ça paraît tous les trois mois, voilà, quatre fois par an, voilà, 4 fois par an, d'accord, donc ça fait un budget de 80 euros si je compte bien pour l'année. Bon, ben voilà, c'était juste pour l'indiquer, ce qui n'est pas un prix assez important pour un numéro de revue, effectivement. Après, si on compare avec un abonnement à 11 Mondial ou à France Football, c'est peut-être ramené au même à peu près, je sais pas. Oui, mais c'est peut-être une autre qualité, c'est un autre format de livre, c'est une autre couverture, déjà un autre emballage. Il y a un parti pris graphique. C'est un objet qui peut trouver sa place dans une bibliothèque, je pense. Ah bah, très bien. Brett, on enchaîne, on va un peu passer à la deuxième partie de cette émission. Bah oui, on va enchaîner donc sur la question du fan de foot et avec Maïlys de Kerangal qui était en rencontre lecture ici à Marseille il y a quelques jours. Et on a un extrait à vous faire écouter. Tout à fait. Et avant ça, on va juste vous dire deux mots de Maïlys de Kerangal, qui est une auteure qui est née à Toulon et qui vit à Paris, qui a publié 3 textes, notamment chez Vertical, qui sont Corniche Kennedy, Naissance d'un pont et Tangente vers l'Est. Et puis aussi assez récemment Pierre Ciseaux-Feuille chez un éditeur marseillais, Le Bec en l'air, que vous connaissez bien, mon cher Brett. Tout à fait. Maïlys, elle a effectué, donc, vous venez de le dire, une résidence à la Commanderie, qui est le centre d'entraînement de l'OM, dans le cadre d'un projet Marseille-Provence 2013. Vous nous dites deux mots de ce projet, Brett ? Tout à fait. L'extrait que vous allez entendre, Les Fervents, donc, a été enregistré lors de la rencontre avec Maïlys de Kerangal organisée par Libraire du Sud. Tout à fait. La Marseillaise et Marseille-Provence 2013. Ça raconte l'arrivée de Agnès K à la congrégation des filles du cœur de Jésus, couvent qui surplombe les terrains d'entraînement de l'OM, et sa rencontre avec Cosmo, un jeune fan qui campe littéralement près de la commanderie. Et du coup, juste pour ce projet de résidence s'appelle Roman Feuilleton. Et l'idée est de placer des auteurs en résidence dans des endroits marquants du territoire de Marseille-Provence 2013. Et en plus, il y a la publication de ce feuilleton dans la Marseillaise, je crois, tous les vendredis. On écoute. Elle serait franchement déçue s'il y avait le bleu du ciel et cette folle clarté, ce voile irisé qui lustre le paysage, faire resplendir les pelouses vert tendre et la peau de ses bras. Car pour une fille comme elle, issue de la plaine polonaise, née sous des ciels bas repeints au mortier, grandie dans la boue des villages, pour une fille comme elle qui chaque jour a guetté son autocar dans le vent glacé, manteau maigre et pieds trempés, cette lumière est un miracle. Aussi la voilà qui plisse les yeux, ouvre en grand la fenêtre, lève les mains au dehors, paume tournée vers le ciel, et dans l'aube radieuse, rend grâce à Dieu un chant. La voix d'Agnieszka s'élance par la fenêtre, un murmure, peu à peu force, éclate, plane, dérive lentement vers le sud, vers les terrains de foot, et en guise de magnificat, c'est Aretha Franklin, I say a little pray for you, et bientôt elle se déhanche, cou tendu, bras écartés, comme si elle allait attraper un gros ballon, et sa chanson s'infiltre dans l'oreille de Cosmo, Cosmo planqué dans un taillis en bordure de grillage, une dizaine de mètres plus bas. Elle se lève dans son tympan et remuante finit par le réveiller. Le garçon se redresse, gémit, décourbature, il a passé la nuit dehors, cherche d'où vient ce qu'il entend, ce truc qui ne ressemble pas à ce qu'il connaît, et après avoir inspecté les alentours, après s'être concentré pour capter la voix sur la meilleure fréquence, il lève enfin la tête vers la façade du monastère, écarquille les yeux à la fille en chemise de nuit qui chante à sa fenêtre. Mais c'est quoi ça? Lui qui passe la plupart de son temps en libre à sillonner les lieux et pourrait dessiner les yeux fermés la façade de l'édifice, réalise pour la première fois, effaré, que des êtres humains vivent dedans. Il regarde sa montre, à peine 8 heures, mais elle est dingue ou quoi la fille là-haut? Elle veut réveiller tout le quartier? Accroupi, il roule son sac de couchage en vitesse et le range dans un sac de sport bleu ciel, siglé OM. Puis sort à découvert de l'alcôve aménagée dans le taillis, et tournant le dos à la voix qui chante, gagne la route pour se mettre en marche vers l'entrée du centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, la commanderie, autrement dit le domaine protégé de l'Olympique de Marseille, le séjour des dieux. Un autre ciel donc, mais celui-là bien terrestre, puisque couvrant une surface de près de 10 hectares, dont 2 terrains de foot d'un vert soyeux, le tout cerné de murs et de grillages, et accessible par une entrée imposante allant à l'ouverture contrôlée, barrière, loge, badge, laissez-passer, bip bip, autorisation, sécurité. C'est là que se massent les matins d'entraînement, les fervents, les fidèles, ceux qui donneraient leur chemise pour être déplacés à l'heure où les joueurs ralentiront leur bolide devant la barrière, avant d'accélérer de nouveau dans la petite côte, signalant leur arrivée à grand bruit, et saisir leur profil à cet instant précis, une expression sur leur visage, voire un geste, une parole. Et parmi ses supporters du petit jour, il y a Cosmo, donc, 13 ans, collégien intermittent, piétinant cœur battant, prêt à tout pour pénétrer l'Olympe. Il aperçoit maintenant l'entrée du domaine, les semelles de ses baskets frappent le sol de la traverse de la Martine, son ventre gargouille, il a faim, soif, et pile en cet instant, là-haut dans le monastère, on frappe à la porte de la cellule d'Agnieszka, 3 petits coups vigoureux qui délivrent un message clair. Il est l'heure de descendre prier à la chapelle. Alors on vient d'entendre, le son n'était pas très très bon, on s'excuse, c'était au J1 il y a 2 mois, le J1 n'est pas un endroit dont on pense ce qu'on veut, mais en tout cas c'est pas un endroit formidable pour pratiquer des enregistrements. Et avant de faire réagir nos invités sur cet extrait, je pense qu'il est très important d'aller à Anfield Road parce qu'il s'est passé quelque chose. Des choses, on dirait, ouais. Oui, vous m'entendez ? Ah, tout à fait, Doc. Bon, alors là, on vient d'avoir un retournement de situation incroyable à Anfield Road. West Bromwich Albion qui venait de concéder un penalty par l'intermédiaire de Luis Suarez. Steven Gerrard s'est chargé de tirer le penalty, un penalty détourné par le gardien Foster, une nouvelle fois à l'honneur. Puis, quelques secondes plus tard, sur un corner anodin, le joueur McCauley, sorti de nulle part, marquait pour West Bromwich Albion, qui mène 1-0 à Anfield Road. C'est une surprise un petit peu. On a bu un coup, hein, je tiens à vous le dire tout de suite, ça se fête. Pour fêter ça. Évidemment. Évidemment. Merci les gars. Alors, pour enchaîner, Magic, sous votre regard acéré, je souhaitais faire rebondir, parce que vous avez assisté avec moi à cette lecture. Vous avez aussi entendu toute la discussion qui a eu lieu ensuite entre Maïs de Kerangal et Pascal Jourdana. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce discours, c'était le parallèle entre le champ lexical du football et celui de la religion. Et on pourrait citer plein de vocabulaire qu'elle a utilisé, mais on n'a pas trop le temps de le faire. Et la ferveur pratiquée, la ferveur du supporter et la ferveur du religieux se rejoignaient assez fréquemment dans son texte. Est-ce que vous avez pensé la même chose, Magic ? Oui, tout à fait. Elle le fait, je crois, délibérément. Tout à fait. Elle ne raconte... serait-ce que par ces deux personnages. Voilà, elle raconte une nouvelle dans laquelle il y a deux personnages principaux. La première, qui est une nonne qui vient s'installer dans un monastère qui est situé juste au-dessus du stade d'entraînement, du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Et puis le deuxième personnage, c'est un jeune adolescent qui est là, qui est complètement fan de l'Olympique de Marseille et qui, je pense, durant les périodes estivales ou les périodes chaudes, il vient carrément dormir juste à côté entre le stade et le monastère. Et alors, Maïlys de Kerangal fait tout un parallèle entre ces deux mondes-là, le monde religieux de la nonne et le monde de ferveur absolue représenté par ce jeune adolescent. Et elle émet des comparaisons et on peut se poser effectivement la question de par exemple, de l'extrémisme de la passion. La passion de Dieu d'un côté et la passion du football de l'autre. Je voulais demander à nos invités ce soir si cette question du fanatisme, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, si elle avait été intégrée dans votre travail et de quelle manière, comment vous abordez cette question-là du fanatisme chez les supporters de foot. Je ne sais pas si on l'a abordé. Je pense que ça transparaît par moments dans la forme du spectacle, sans pour autant que cette question-là soit abordée d'un point de vue théorique, en fait, dans le spectacle. Parce que c'est vrai que je pense que ce qui nous intéressait, c'était pas tellement de... surtout pas de porter un jugement sur ceci, cela ou le reste d'un comportement de supporter, mais c'était de présenter des figures de supporters et de rendre quelque chose d'une atmosphère et de ce qui se joue entre les supporters, et leur ville, entre la ville, l'équipe et les gens qui ne sont pas supporters, en fait. Hein. Alors, c'est une chose qui... Voilà, c'est comment faire... l'idée, c'était presque, peut-être, je pense, un endroit de rendre sensible à travers le théâtre pour des gens qui refusent globalement le supporterisme, de rendre sensible ce que les supporters trouvent dans le fait d'être supporter, comme plus d'être et comme sens peut-être d'une certaine manière à un vivre ensemble, à un destin commun. Je pense que c'est à cet endroit-là que le spectacle cherche, dans une forme un peu surprenante, et c'est aussi peut-être la forme... Il n'y a pas d'histoire qui est racontée dans ce spectacle. Hein. C'est vraiment de la sensation. C'est des flashs qui sont donnés sur des moments, sur des personnes, sur des individus. Mais on est plus dans le sensible que dans le discours, en fait. Et pourtant, on a un texte d'un sociologue. Et je pense que c'est cette distance un peu particulière qu'on a cherché, qui n'est pas... qui n'est pas de parti pris, en fait, hein, mais qui est vraiment sur la notion du jeu. comme un espèce de constat, de dire c'est pas forcément de dire que c'est pas bien d'être supporter ou que c'est forcément péjoratif, mais c'est là, c'est présent, ça fait partie de notre monde moderne. En plus, avec ce fanatisme qui a une grande ampleur avec le football, c'est là, c'est ici. Donc, comment on peut en parler, qu'est-ce qui peut être intéressant, comment on peut comprendre ces gens. Voilà, je pense que c'est ça qui peut être intéressant, en tout cas, dans ce travail sur le supporter, qui n'est pas de le critiquer ou de prendre un parti pris, mais juste dire que ça fait partie. Ça fait partie du quotidien. Mmh. Alors, oui. Oui, c'est un spectacle qui donne la parole au supporter plus qu'une étude sur la parole du supporter ou sur les mécanismes du fanatisme ou autre. Oui. Oui, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étude sur la naissance du supporterisme, c'est plus un supporter qui vit sa passion, C'est pas le phénomène du fanatisme, c'est le témoignage de fans. De fans, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on entend quand même bien cette parole du fan qui est prêt à faire des choses totalement incroyables pour continuer à supporter son équipe. C'est ça, oui. Il y a par exemple, je pense, par rapport à ce que j'ai vu, notamment à la vulgarité qui peut être employée dans les discours et au caractère parfois péremptoire de leur discours aussi. Et on sent ce fanatisme à travers les individus, à travers chacun des supporters, mais on ne parle pas effectivement des phénomènes violents oui. ou pas. Du fanatisme oui, oui. Football. Quoi. Et je crois que d'une certaine manière, ce qui peut-être nous a intéressé en fait, c'est de comment dire comment effectivement le football amène le fait d'assister à un match amène à ce que les cadres explosent, en fait. Les cadres du quotidien explosent, en fait. Hein. Ce qu'il est, effectivement, correct de dire, ce qu'il est le comportement correct dans une ville, etc. etc. Comment c'est l'occasion de débordement, en fait, hein, et de sortir de son cadre et tout d'un coup d'exister ailleurs, d'être projeté dans un imaginaire, alors que certains peuvent juger réducteur, mais n'empêche que c'est une projection dans un imaginaire et dans un imaginaire collectif et globalement, malgré tout, de partage. Et je pense que c'est à cet endroit-là que c'est intéressant et que c'est questionnant. Et c'est le seul spectacle à l'heure actuelle qui permet ça. Moi, je ne suis pas fan de foot. J'aime bien le sport en général. J'en ai pratiqué, mais je ne suis pas fan de foot. Mais n'empêche que je sens bien que là-dedans, il y a quelque chose qui nous parle globalement. On peut s'en défendre, mais c'est idiot, parce que cet engouement et ce qui se passe chez les individus et de façon extrêmement massive, ça parle de la société dans laquelle on vit. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça n'a pas de sens. C'est signifiant de quelque chose. J'ai une anecdote justement de nos amis d'Amsterdam. Donc c'est l'équipe qui travaille aux Pays-Bas. Justement, j'ai assisté à une présentation du travail justement sur le thème du foot. Et il y a un phénomène aux Pays-Bas, donc je crois que c'est l'équipe d'Ajax contre l'équipe de Rotterdam. Et il me semble que l'équipe d'Ajax est surnommée les Juifs. Ils surnomment les Juifs, les Juifs, les Juifs. Ouais. Et l'équipe de Rotterdam, quand elles viennent, ils disent « à mort les Juifs, à mort les Juifs, à mort les Juifs ». Et c'est assez marrant justement parce que lors des rencontres dans le stade, tous les supporters de l'Ajax disent « on est des Juifs, nous sommes des Juifs », sachant que les populations qui sont supporters ne sont pas forcément tous de religion juive, et que c'est des gens qui, après, en dehors du stade, se massacrent pour des guerres de communauté entre maghrébins, entre Juifs. Mais il y a ce paradoxe-là qui existe, qui est que quand ils sont au stade pour l'Ajax, ils sont tous des Juifs. Oui, c'est assez étonnant. Ouais. Alors, puisque l'horloge tourne, on va enchaîner, mon cher Brett, mon cher Magic, avec deux de nos plus jolies rubriques, on va dire ça, et on retournera au stade juste après. C'est d'abord le petit précis du sport, et on va continuer un peu à parler du supporting, du fanatisme sportif. Et finalement, supporter une équipe, c'est aussi souvent une source de frustration, et qui mieux que le remplaçant impuissant peut évoquer ce sentiment. Et tout à fait, donc on réouvre ce soir le petit précis du sport, et c'est Julien Gazzini qui s'y colle, et donc il va être question de remplaçant. Mais pas que, le texte s'appelle « Sex, Foot, Thunder », donc il est question de sexe, de foot et de thunder, mais aussi il y aura du Shakespeare et des jeux de mots à foison. Il faut tendre l'oreille quand même, c'est pas évident. Au premier abord, il faut bien écouter. On y va. Sex, foot, thunder. Avant de manger les pissenlits par la racine, carrés comme leurs pieds bancals, sur le banc relégué, mauvaise division, les joueurs remplaçants rongent leurs freins et freinent leurs songes, se défont d'illusions qu'on dirait perdues, prennent l'air et les songes, écoutent les messages des mésanges porteuses de nuées, la pluie, mauvais, l'arbitre, hué, les projos grillés, les mauvais anges font et défont des lacets, se délassent en secret, se réjouissent de ne pas encaisser, de coups, de mauvais coups, de méfaits, les infâmes toujours sur le métier, cent fois fait le méfait, la dernière reprise mal raccommodée. Les substituts se procurent autant que faire se peut des sensations de balles, des ballons d'opium, des bouffées de peuple, cris, hola, ara, arobodé, ballot, des boulets dégommés pour effacer la marque, des gommes et des robes grillées. L'addition est vite faite, marquée, remarquée, noblesse de sang et pas de robe, ni de saillie, ni des champs, mauvais rat, gueule en biais, les remplacés souris, une longue belle la clé. Des champs encore avant de rempiler, faire et refaire à lacet, coller, monter la noblesse sur le champ. De navet, pas d'honneur. Le terrain, c'est là que gambadent les vrais. 11 étalons, dont un qui piaffe dans sa stalle. 11 pas, un regard de biais. Pas relégué, pourtant relégable. Un œil sur la marque, eux, le menton haut. Divin marquis démarqué avant de la mettre au fond. Coup de collier comme coup de fouet. Toute la dialectique béante de la boule puante, de la balle passante. Du petit pont aux environs d'Avignon, le pape en quelle division? Avant de calancher, les tacleurs piaffants renaclent et reniflent, parsèment le gazon de luzerne mucus, grimacent à l'envie et désir alambic, un bon coup de gnôle avant de se faire encore tordre, rincer, essorer. Rhétorique du bar, barre deux fois la syllabe du guerrier, l'assaut sur le central, un dernier coup avant que d'être rond, ce rond de cuir qui jamais ne voit un burlingue. Patchwork cogné, trempé, brossé, lancé, dans les raies, les filets. Filou, ilote au petit quotient, reste dans l'opération, laissé pour compter. Fantassin démobilisé, toujours possiblement mobile, sans raison ni colère, accroché en grappe mûre sur leur gradin. Réserviste ready-made for the gadin, ils ont l'arme au pied, la gâchette sensible, se veulent spadassin, assassin à la gâchon. Mi-temps, voilà l'instant où tout se croise, s'échange, se toise, se change. Voilà l'exode limité. Les transfuges décampent, on fera transfusion. Les doublures se pressent, on convoque banc et arrière. Les seigneurs, les vassaux, les sanguins. Les petits barons et les grands capitaines ont choisi à l'encan. L'instant de faire gloire, brûler au front, marquer au fond. On fait le tri, liste des profusions. Passe un instant, destin semblable, morne horizon, score, faute, cri, joie, rage. Le désert, plus tard, plus tard. Les seconds couteaux ruminent et nourrissent leurs singes. Les trois sorcières macbéthiennes, toutes de noir chaussées, sifflent brutalement une trille tonnerre. Fin de règne, doux prince. Merci beaucoup à Julien pour ce beau poème. Les trois sorcières macbéthiennes, c'est quand même pas mal de finir un poème sur le foot comme ça, moi je trouve. Manuel, on va peut-être enchaîner sur un deuxième reportage. Tout à fait, c'est un reportage d'Anne-Claire Andreau qu'on salue, qui a déjà produit pour nous un reportage au printemps l'année dernière. Anne-Claire, c'est une jeune intellectuelle de la musique et de la littérature. Et aujourd'hui, elle fait parler ses parents qui racontent pour nous le jour où Dominique Rocheteau, l'ange vert stéphanois aux 49 sélections, alors dans un autre club sans palmarès et donc bien moins prestigieux, a apposé sa main sur sa jeune tête. C'est un reportage donc qui va tout de suite s'inscrire dans notre rubrique Au cœur de l'action. En 1978 ah oui. ou 79. 1979. Ouais, parce qu'elle courait bien quand même. Okay. Mai ou juin. À l'occasion d'un match d'entraînement de l'équipe de France qui jouait contre le Paris Saint-Germain sur le terrain d'entraînement du PSG qui était au Stade des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Comme nous habitions à Chatou, c'était tout près. Donc nous sommes partis un samedi après-midi, je crois, oui. voir le match. Et l'entrée était gratuite. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés, les voisins du Stade des Loges qui ne pouvaient plus sortir de chez eux à cause de toutes les voitures, j'en ai entendu un râler qui dit « c'est pas étonnant qu'il y ait du monde parce que c'est gratuit, tout le monde en profite. Si c'était payant, il y aurait moins de monde. » Mais donc nous sommes allés voir et le match et l'entraînement. Donc, il y avait la télévision, il y avait les reporters de l'époque. Il n'y avait pas Thierry Roland, je ne me souviens pas. Mais il y avait donc dans l'équipe de France Dominique Rocheteau. Et les joueurs jouaient chacun leur tour, puisque c'était un match d'entraînement. Et nous tournions un petit peu aussi autour du stade, puisque nous avions une fille qui était très turbulente. Il n'était pas question qu'elle reste toujours au même endroit pour regarder le match. Elle jouait normalement. Et donc elle était partie jouer derrière et les joueurs qui n'étaient pas sur le stade s'échauffaient avant de rentrer. Et à un moment donné, Dominique Rocheteau a fait le tour du terrain et tout d'un coup il a failli renverser notre fille. Heureusement il s'est arrêté à temps, il lui a posé la main sur la tête et il est reparti en lui faisant un joli sourire. Voilà l'histoire. Dominique Rocheteau t'a posé la main sur la tête, on ne t'a pas lavé la tête pendant 15 jours pour que tu gardes des traces. Bah, c'était le Rocheteau, il a maintenant, il est de 46, je crois. Il n'a pas beaucoup changé physiquement, il a donc, assez mince, des beaux cheveux, il avait des beaux cheveux frisés, il les a oui, toujours. Il est même plus jeune, ouais. Il est même plus jeune puisque moi j'avais 32 ans, 32, 33, donc c'était des joueurs qui étaient plus jeunes que moi. Ouais. Et que j'ai été sidérée de voir qu'il avait si peu changé, quoi. Il a gardé ses beaux cheveux bruns à friser, il n'a pas blanchi ou pratiquement pas, et il est resté élégant. On remercie Anne-Claire pour ce Anne-Claire. Sublime reportage. Et chers invités, est-ce que vous vouliez réagir aux deux reportages textes qu'on vient d'entendre ? Manuel. Oui, moi je vais parler du dernier. Alors j'ai trouvé ça très drôle, cette histoire. En plus, c'est raconté avec beaucoup de simplicité. Et voilà, c'est intéressant. Frédéric, on vous laisse peut-être dire aussi un mot sur la suite du projet Footing. Oui, la suite du projet Footing, ben c'est pour l'automne. Donc on espère avoir la possibilité de faire venir nos équipes internationales pour faire une finale à Marseille. Bien dit. Voilà. Je dis on espère parce qu'on a quelques inquiétudes au niveau financier. Le projet est néanmoins cofinancé par Marseille-Provence 2013, mais pas suffisamment pour qu'on puisse lui donner toute l'ampleur qu'on a rêvé tous ensemble. Voilà, donc là, on est sur une période un petit peu... Bon, c'est un peu la deadline pour arrêter les conditions de production. Donc, on est sur des inquiétudes, mais on sait que, quoi qu'il en soit, on fera une synthèse de ce qui aura été produit par MC à Amsterdam et d'Abba Théâtre à Casablanca, en parallèle au travail que nous avons fourni, nous, sur Marseille. Voilà. Donc, on vous tiendra au courant, bien sûr. Avec plaisir. Hein, des suites de notre actualité footballistique et théâtrale. C'est très bien. Ben, Frédéric, Manuel, merci beaucoup de votre présence dans Débat Tournant Guirou. Eh ben merci à vous. Merci de votre accueil. Et puis, avant de nous quitter, cher Brett, on va faire un petit tour au stade, non seulement pour retrouver le docteur et le shérif qui vont nous raconter un peu la fin de ce match, mais aussi pour la traditionnelle, Brett. Bah, la chronique du docteur Lehmann qui, ce soir, est aussi un quiz, je crois. Donc, c'est une l'ultime surprise de cette émission. Une chronise, comme on l'appelle ici. Oui, ici, le public est triste à Anfield Road, puisque Liverpool vient de s'incliner sur le score de 2-0 sur un ultime contre de Lukaku. Pepe Reina n'a rien pu faire. Je ne sais pas si on va enchaîner tout de suite avec la chronique. Mon cher shérif, peut-être vous vouliez souligner votre désarroi. Non. Bien non, assez à faire comme ça. J'en peux plus. Je suis tout désarroité. Hein. Chronique de circonstance. Tu ne marcheras jamais tout seul ? Ou peut-être, vous ne marcherez jamais seul ? Les aléas de la traduction guident cette chronique, qui, vous l'aurez compris, vise à l'interprétation de la célèbre chanson « You'll never walk alone ». Cette interprétation sera bien sûr essentiellement d'ordre lexical, voire grammatical, et nous laisserons à d'autres, mieux dotés d'organes que nous, le privilège de la mise en musique, dans un second temps ludique, à la forme souvent célébrée dans cette émission, celle du quiz. You'll never walk alone, ni singulier ni pluriel, aucune mention du genre, guère plus de ponctuation, propre à en déduire une quelconque assertion, question, sommation ou négation polysensitive. On comprend mieux l'universalité de la langue de Benny Hill et de Paul Gascoigne, puisqu'on peut lui faire dire n'importe quoi, leur faire dire n'importe quoi même, allons-y gaiement. J'en reviens donc à mes ardeurs enfouies pour les arcanes de la langue française et à d'autres moins abouties pour l'histoire sociale de la perfide Albion moderne, gâté que je suis par l'actualité qui nous fait côtoyer Liverpool et la figure du supporter. L'occasion de souligner dans un premier temps le paradoxe du supporter, dont la forme française « supporter » recèle déjà d'ambiguïté. Certes, il s'agit étymologiquement de « porter » ou de « soutenir » quelque chose, mais les nombreuses acceptions du terme rappellent que l'acte est quasiment intrinsèquement lié à un désagrément. Et qu'en gros, on supporte quelque chose de difficilement supportable. En bref, supporter, c'est accepter l'insupportable. Cette dissonance assonante de l'insupportable supporter, on la retrouve au sein des clubs ayant adopté le célèbre hymne, ainsi du Red Star qui, malgré toute l'affection que l'auteur de Céline lui porte, a tristement gagné son dernier titre en l'an de grâce 1942. Quant aux supporters de Liverpool, n'ont-ils pas en grande partie provoqué la catastrophe du Heysel, où 39 spectateurs périrent un soir de finale de Coupe d'Europe 1985. N'en déplaise aux moralisateurs, les plus patentés, le You'll Never Walk Alone est un véritable phénomène qui, dans l'Angleterre industrieuse et footballeuse, a remisé le God Save the Queen au clou. En réalité, sous son couvert un peu bourrin, et comme en d'autres lieux l'énigme du Sphinx, l'hymne constitue bien un adage propre à illustrer les petits et les grands moments de la vie de nos amis d'outre-Manche. Tu ne marcheras donc jamais tout seul, petit enculé ! Pamela n'a pu se retenir au sortir de chez Tesco. Joe, le dernier de ses trois rejetons, âgé de 4 ans et 6 mois, est resté dans le caddie. Pam ne pouvait vraiment plus accepter de quolibets concernant ce petit gros roux, incapable d'évoluer autrement que sur roulette. École de la vie, le chant est braillé par Sandy, grassouillette teenageuse britannique à la mini-jeu déjà un peu noiraude, d'abord accompagnée de deux copines rescapées du fish and chips de 1 heure, puis plus tardivement récupérée par un impeccable Bobby qui verra immédiatement son geste d'honneur hanter la page Facebook de Sandy. avant de céder devant l'évidence des tests de paternité. « Et oui, puisqu'on vous dit qu'on ne peut plus marcher toute seule. « Vous ne marcherez plus jamais seul », hurle le Sun à son million de lecteurs. Miss Maggie éructe et se voit déjà parée du titre de grand commandeur des croyants. Anglican, certes, s'agit-il de refaire la guerre aux Malouines ? Enfin, l'Angleterre sortirait-elle des poules pour un tournoi majeur ? Ou cette cohorte vise-t-elle à reboucher le tunnel sous la Manche ? Rien de tout cela, Margaret Thatcher vient d'apprendre son décès. Ses funérailles nationales s'annoncent particulièrement dignes. « Tu ne marcheras jamais seul !» Jamie avait ce soir-là quitté le pub plutôt qu'à son habitude, trop tôt même, puisqu'il réussit à prendre le volant de sa Mustang chèrement négociée à crédit. Le conducteur de la Vauxhall Blanche n'avait qu'à pas travailler ce soir-là. Jamie, déjà furieux d'avoir embouti son aile gauche, termina l'homme à grands coups de batte dans les jambes, sifflant distraitement l'hymne de tout un peuple. « You'll never walk !» Je boirai ta retraite jusqu'à la lit. De toute façon, j'ai dû mettre ton fauteuil au clou pour régler mon ardoise au Jimmy's. Abraham sait qu'il pourra difficilement raisonner son facétieux petit-fils. La caisse des invalides de guerre n'est malheureusement pas joignable par téléphone. Il faudra donc finir cette vie de chien dans la niche et se délecter, toutes les deux semaines, d'un chant à faire tressaillir la tribune attenante au jardin. You'll never walk alone, qu'il disait. Docteur, merci. Formidable de chronique, docteur. On vous laisse enchaîner par un... Parce qu'on l'a annoncé comme tel, c'est une chronique quiz ce soir. Oui, c'est un quiz, c'est un blind test, vous l'aurez compris. C'est un blind test sur les interprètes de You'll Never Walk Alone, cette chanson écrite par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, tout, en 1945. Bien sûr, tout le monde doit jouer sur le plateau, ou peut bien sûr, en tout cas essayer de jouer sur le plateau. Oui. Alors, je vais d'abord vous donner un indice pour chacune des chansons. Et vous allez essayer de me dire l'interprète. Il y aura un deuxième indice en cas de difficulté. Donc, première question. Cet interprète partage son patronyme avec un célèbre avant-centre italien. Ici, sur le plateau, on voudrait le deuxième indice. Oui. Un petit Paolo quelque chose, monsieur ? Non, c'est une interprète féminine. Et l'attaquant en question est toujours tristement remarqué à la télévision pour ses coupes de cheveux peroxydées. Ravanelli ? Simone. Et le prénom De l'interprète. Ah bah oui, bien sûr, d'accord, mais je le laisse. Nina Simone. Un point pour le shérif. Oh bah, attendez. Moi j'ai marqué le point aussi, il me semble. Un point pour tout le monde. Un point pour Magic, un point pour Magic. Et puis je crois qu'un point pour Manuel, ce serait pas mal. Ce serait un peu, voilà. Vous voyez, voir pour tout le monde. Un point pour tout le monde. Deuxième interprète, le grand usurpateur du sport ne s'alliera pas à ce nom-là. Armstrong, Louis Armstrong. Manuel Amor, Louis Armstrong. Deux pour Manuel, un pour Magic. Cet interprète porte le nom de famille d'un jeune pilier français jouant à l'ASM. Bocelli. Non. Ferreri. Ciano Pavarotti. Non. The Wall. Oh papa, autant pour moi. Deuxième, on est sur l'interprète précédent. Oui, deuxième indice peut-être. Deuxième indice, il porte aussi le nom d'un tabac à rouler ayant fait le bonheur de nos années lycée. Ça peut pas être le Amsterdamer. Le drame, mais le Pueblo. Pas le Pueblo, c'est l'ancêtre du Pueblo. Et il s'agit aussi du jour du Seigneur pour les socios du Real Madrid, par exemple. Domingo. Donc Placido Domingo. Placido Domingo, oh là là, Manuel. Réponse, je pense que Manuel, quand même, mérite son troisième point. Hein, il est en train d'écraser tel West Bromwich Albion la soirée. 3 pour Manuel, 1 pour Magic, tout le monde est d'accord ? Oui. Ouais. Et donc, moi, je pourrais mériter un quart de point, quand même. Moi, j'ai crié aussi Placido Domingo, mais j'ai été bien aidé par Manuel, bien sûr. Ça mérite bien un 25e de point. Quatrième artiste, cet artiste partage le nom d'un défenseur anglais de Stoke City et de l'équipe d'Angleterre prénommé Neil. Et deuxième indice obligatoire. Deuxième indice, son prénom est synonyme de Stoppa. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Oh, voilà. Exact. Vous l'avez composé ensemble, en fait, c'est ça. Exact. 4. Manuel Amor. 1. Magic. Mon patronyme est à une lettre près celui des gardiens actuels de Lens et Nantes. T'as du roux là-dedans, non ? Je dirais pire, chef. Vous ne connaissez pas ce terrible monsieur qui porte à peu près la même toison que moi. Il porte aussi le prénom du plus vieux des frères Ayou. André Rieu. Je crois que c'est Magic qui a trouvé. Je vais quand même vraiment pas recommencer par me dire que je veux un point, moi. Ou alors c'est que mon micro est pas assez réglé, je crois. C'est possible, je suis tout à fait confus. Bon, ça me fait 0,75e de point. Non, mais si Magic vous co-attribue le point, on peut y aller. Hein. Non, mais je pense qu'on peut lui accorder 75. Non, mais donnez-moi juste un 25e. Non. Que je reparte pas bredouille. 0,25. On est toujours à 4, 1, 0,25 2. 4, 2, 0,25. Très bien. 4, 1,75 du coup, si tu. Mon nom est inscrit sur le trophée de Wimbledon, case 1987. Baker. Willander. Uniquement mon nom. Cash. Johnny Cash. Ah, Brett, bravo. Voilà. Ça, c'était pour vous, Brett. Ouais, c'était limpide. Ouais, félicitations. Ça fait plaisir. 4, 2, 1,25. Allez, un dernier pour la route. Mon nom est le prénom d'un étalon vice-champion d'Afrique. Ouedraogo. Son nom est en prénom, c'est ça ? Non. Des étalons vice-champion d'Afrique. Ray Charles. C'est Ray Charles. Ah, et Charles Cabot. Bravo. Oh là là. Éclatante victoire de Manuel. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai pas brillé dans les précédents quiz, alors ce soir je suis assez content. Merci mon cher docteur, merci shérif, merci à tous. Merci et à tout le monde, merci Magic. Merci Magic d'avoir été sur le plateau pour une première avec nous, c'était très bien. On a, en dehors de nos invités, qu'on remercie encore une fois d'avoir été présents ce soir, quelques remerciements à Adrien Bosque tout d'abord, Maëlys de Kerangal et l'association Libraire du Sud qui nous ont gentiment autorisé à diffuser un extrait, bien que assez mauvais, mais ça c'est notre faute. Anne-Claire Andro, Julien Gazzini, merci à vous, cher Brett. Merci à vous, cher Manuel. Et n'oubliez pas notre blog. Tout à fait. Le blog, c'est http://. Débattons dans Guirou, comme ça se prononce, c'est-à-dire débattons comme les bâtons avec lesquels on frappe, dans Guirou, comme dans le fameux monsieur entraîneur ancien entraîneur d'Auxerre, dans Guirou, débattons dans Guirou.posterous.com. Parfait. Brett, on s'excuse du petit retard qu'on a pris pour l'émission suivante Cradiophonie. On va prendre une petite fessée et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ouais, c'est l'heure de Cradiophonique. Mais ça va, ils sont gentils dans Cradiophonique. Donc, gentil fessé. Ouais, gentil fessé.